الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن وعلى أصحابه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 81 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Saleh Al-Uthaymeen عقيدة أهل السنة والجماعة avec le charh du Cheikh lui-même de son propre livre. Donc on est à la fin de la partie sur parmi les six piliers de la foi, al-iman bil-rusul, hein, la foi en les messagers. Jusqu'à date, on a fait al-iman billah, on a fait al-iman bimalaikatihi, on a fait al-iman bikutubihi, et maintenant on est à la fin de al-iman birusulihi. Et là où on est arrivé maintenant, on a d'après qu'est-ce qu'on a lu au dernier cours, juste vérifier. Naam. Oui, c'est ça. D'accord, donc on est arrivé maintenant à cette partie où le Cheikh Mohammed ibn Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah, il dit: "Wa na'taqidu anna ma jara bayna as-sahabati radiyallahu anhum min al-fitan faqad sadara 'an ta'wilin ijtahadu fihi. Faman kana minhum musiban kana lahu ajran, ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد وخطأه مغفور له. ونرى أنه يجب الكف عن مساوئهم فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل, وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم." Donc ça c'est un principe très important parmi les principes de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et je vais traduire donc ce passage. Le Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit: "Et nous croyons que tout ce qui s'est produit entre les Sahaba comme fitna à leur époque, eh bien, tout cela s'est produit, yani, selon un effort d'interprétation qu'ils ont fait. Parce que ce sont des mujtahidoun, ce sont des ulama mujtahidoun. Et donc, ils ont fait un effort pour essayer d'atteindre la vérité, selon l'opinion qu'ils ont considérée comme étant la vérité. Et chacun d'entre eux a fait l'effort dans la voie de ce qu'il considérait lui comme étant al-haq. Et étant donné qu'ils sont tous sincères et qu'ils sont tous, savants, alors chacun d'entre eux a fait son effort. Certains d'entre eux, ils ont eu raison, et d'autres, ils ont eu tort. Mais ceux d'entre eux qui ont eu raison, Allah leur donnera deux récompenses, une récompense pour l'effort et une récompense pour le fait d'avoir eu la bonne réponse ou la bonne position. Et ceux d'entre eux qui se sont trompés, eh bien, au lieu d'avoir deux récompenses, ils auront une seule récompense, et leur péché sera, où leur erreur sera pardonnée. Hein? Wa khata'uhu maghfur. Et il dit: et nous voyons qu'il est obligatoire pour nous de nous abstenir et de nous taire vis-à-vis de leurs fautes, et que nous devons les mentionner que parce qu'ils méritent des belles éloges. Hein? Et nous devons purifier nos cœurs de toute animosité et de toute rancune contre aucun d'entre eux, ou bien contre chacun d'entre eux. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'avoir de rancune dans nos cœurs, ou d'animosité, ou de quoi que ce soit contre eux dans notre cœur. Et on va mentionner les explications de ça par la suite. Là, je vais juste vous traduire, je vais vous lire la traduction de Dar es Salaam. Dans leur traduction à eux, voici comment ils ont traduit ce passage. Et nous croyons que les dissensions qui ont opposé les compagnons, qu'Allah les agrée tous, furent la conséquence de leur effort d'interprétation. Ainsi, ceux d'entre eux qui avaient raison recevront double récompense, alors que ceux qui avaient tort seront récompensés une seule fois et leurs erreurs leur seront pardonnées. Et nous pensons que nous devons nous taire sur leur tort et les décrire comme ils le méritent en vantant leur mérite. Yani, Cheikh il dit بِالثَّنَاءِ الْجَمِيلِ, les belles éloges. Nous devons purifier nos cœurs de toute rancœur et de toute haine envers yani chacun d'eux. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Puis on continuera la suite tout de suite après, Inch'Allah. Donc le Cheikh, il dit nous, donc وقوله ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه. من قرأ تاريخ الصحابة رضي الله عنهم وجد فيه ما يحزنه من القتال بينهم والفتن, سواء كان مع عائشة والزبير ومن قابلهما رضي الله عنهم, أو كان مع معاوية أو علي بن أبي طالب رضي الله عنهما, لكن نعلم أن ذلك صدر عن تأويل, وما صدر ونعلم أن ذلك صدر عن تأويل, وما صدر عن تأويل واجتهاد فإنه إن أصاب فاعله الحق فله أجران, وإن أخطأ فله أجر واحد, ولا يمنع من هذا أن نقول أولاهم بالحق كذا وكذا. فمثلا القتال الجاري بين معاوية رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه, لا شك أن الأقرب إلى الحق فيه هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمار رضي الله عنه: ويح عمار تقتله الفئة الباغية, وقد قتله أصحاب معاوية, لكن مع ذلك لا يجوز أن نضمر لهم بغضا ولا كراهة, بل نقول ما صدر منهم فهو صادر عن تأويل واجتهاد, وهم بين صاحب سعي مشكور أو اجتهاد مغفور, فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. Donc ça c'est l'explication. Maintenant, qu'est-ce que le cheikh il explique? Donc ici le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il explique que il dit: et nous croyons que ce qui s'est produit entre les sahaba comme fitan et ce qui est arrivé, donc tout ça c'était par ijtihad. Hein, un effort d'interprétation que certains d'entre eux ont fait pour essayer d'arriver à la vérité. Et il dit: quiconque lit l'histoire des sahaba radiyallahu anhum, il va trouver dedans des choses qui vont l'attrister à cause de certains combats qui ont eu lieu entre eux, ou des tribulations qui se sont produites à leur époque. Peu importe que l'on parle de ce qui s'est produit entre Aïcha et Az-Zubayr, hein, ou ceux qui étaient opposés à eux, ou ce qui s'est produit entre Muawiya et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma. Mais nous savons que cela s'est uniquement produit à cause d'une interprétation, hein, et d'un effort d'ijtihad de la part de certains d'entre eux. Donc le cheikh dit: si quelque chose s'est produit et que c'est le résultat d'un ta'wil et d'un ijtihad, un effort qui a été fait de la part d'un savant pour arriver à la vérité, alors on sait que parmi ceux qui ont fait cet ijtihad, certains auront une position qui est en accord avec la vérité, et par conséquent ils auront deux récompenses, et que parmi eux il y en aura qui vont se tromper et qui se sont trompés, et eux auront une seule récompense au lieu de deux. Mais malgré ça, il n'y a rien qui empêche le fait de dire que certains d'entre eux étaient plus proches de la vérité que d'autres, ou de dire qu'un tel était plus proche de la vérité qu'un tel. Et il donne comme, par exemple, il donne comme exemple le combat qui s'était produit entre Muawiyah radiyallahu anhu et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il dit qu'il n'y a pas de doute que le plus proche des deux de la vérité, eh bien, c'était Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et une des raisons pour ça, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons pour ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, Ammar va être tué par le groupe transgresseur. Ammar sera tué par le groupe transgresseur. Et ceux qui ont tué Ammar, et ça, ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et il est rapporté selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Donc, quand on regarde dans l'histoire, on voit que ceux qui ont tué Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, eh bien, ce sont les compagnons de Muawiyah radiyallahu anhu. Et il dit, le cheikh, que ça s'est produit par effort d'interprétation, par effort d'ijtihad de la part de certains d'entre eux. Et il dit donc, c'est soit que la personne a fait un effort qui sera reconnu et remercié, ou un ijtihad qui sera pardonné. Celui qui a atteint la vérité, il aura deux récompenses, et celui qui s'est trompé, il n'aura qu'une seule récompense plutôt que deux, et son péché lui sera pardonné. Et le cheikh, il explique ensuite l'autre partie ou la suite lorsqu'il dit وَنَرَا أَنَّهُ يَجِبُ أَنَّ كُفَّ عَنْ مَسَاوِئِهِمْ فَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِمَا يَسْتَحِقُّونَهُ مِنَ الثَّنَاءِ الْجَمِيلِ وَأَنْ نُطَهِّرَ قُلُوبَنَا مِنَ الْغِلِّ وَالْحِقْدِ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَأَمَّا أَنْ نَنْشُرَ مَسَاوِئَهُمْ بَيْنَ النَّاسِ ونقول فلان فعل كذا وفلان فعل كذا فلا شك أنه محرم لأنه إذا كان هذا حراما بالنسبة لغيرهم فكيف بالنسبة لهم والطعن في الصحابة ليس أمرا هينا لأن الطعن في الصحابة يتضمن الطعن فيهم والطعن في الشريعة والطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن في جانب الله عز وجل فالطعن فيهم في الحقيقة طعن في أربع جهات. Donc le cheikh explique que ensuite il dit nous devons nous taire par rapport à tout ce qui est arrivé de leur part comme tort ou comme erreur qu'ils auraient pu commettre, et ne les mentionner que parce qu'ils méritent des belles éloges, et de purifier nos cœurs de toute haine et de toute rancœur qu'on pourrait avoir envers chacun d'entre eux. Hein? Et il dit donc le cheikh que si quelqu'un va commencer à propager les torts hein, que certains d'entre eux auraient pu commettre parmi les gens et diffuser ça, et de dire par exemple un tel il a fait ça et un tel il a fait ça, comme le font les Rafida par exemple, hein, les Shia Rafida, c'est ça ce qu'ils font. Ils vont voir les musulmans puis ils leur disent un tel parmi les Sahaba a fait ça, un tel parmi les Sahaba il a fait ça. Et des fois c'est des mensonges, des fois c'est des choses vraies, des fois c'est des choses mensongères, des fois c'est des choses vraies qui sont mélangées avec des mensonges, ou des fois c'est une partie qui est vraie, une partie qui est fausse. Hein? Donc il faut faire très attention à ça. Et ceux qui font ce genre de choses, le cheikh dit, il n'y a pas de doute que ça c'est haram, c'est interdit. Si on dit que c'est haram pour le fait de mentionner des péchés de musulmans ordinaires, hein? Alors que dire de celui qui diffuse ou qui propage les péchés des meilleurs parmi les hommes? Ça c'est encore plus grave. Et donc le cheikh explique que le fait de critiquer et de dénigrer et d'insulter les sahaba, c'est pas une chose qu'on doit prendre à la légère. C'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère, parce que le fait de critiquer et, ou d'insulter ou de dénigrer les sahaba, ça comprend plus qu'une critique envers eux seulement. Ça implique également une critique et une insulte de la charia. Ça implique également une insulte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça implique également même une insulte contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh dit qu'en réalité, celui qui dénigre ou qui insulte les sahaba ou qui attaque les sahaba, il attaque quatre directions en même temps. Premièrement, ta'nun fihim. Il dit awwalan ta'nun fihim wa huwa wadih. Premièrement, il les dénigre, il les attaque eux personnellement, et ça c'est clair. Deuxièmement, وثانياً أنه طعن في الشريعة لأنهم هم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الذين نقلوا الشريعة إلينا فإذا طعنا فيهم صارت الشريعة مشكوكا فيها أو في صحتها وعزوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc deuxièmement, celui qui attaque les Sahaba, il attaque la charia indirectement aussi. Pourquoi? Parce que les sahaba sont nos intermédiaires entre nous et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si quelqu'un se permet de les attaquer, de les dénigrer, ça veut dire qu'il est en train d'attaquer ceux qui nous ont transmis la charia. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que par la suite, on va commencer à avoir un doute au sujet de la validité et de l'authenticité de cette charia. Pourquoi? Parce que c'est eux qui nous l'ont transmis du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on peut commencer à critiquer, dénigrer ou attaquer ou insulter ceux qui nous ont transmis la charia, eh bien ça veut dire qu'on peut avoir un doute en la charia elle-même. Donc ça veut dire que d'attaquer et de critiquer les sahaba, c'est la porte ouverte vers l'attaque de la charia elle-même, c'est-à-dire la critique et l'attaque du Coran et de la Sunna. Troisièmement, le Cheikh il dit ثالثا انه طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك ان من كان اصحابه على جانب من الفسق والفجور فان ذلك قدح في مقامه لان العرف بين الناس ان الرجل الشريف اذا كان من حوله من اصحابه قد تعنوا بالفسق والفجور وغيرهما فلا شك أن هذا قدح فيه وإن لم يكن مثلهم في الفجور والفسق لأن الواجب عليه أن يصطحب أناسا شرفاء أما أن يصاحب أناسا على جانب من الفجور والفسوق فهذا لا شك أنه عيب فيه وإن لم يكن هو على شاكلتهم من الفجور وغيرهم. Donc le cheikh il explique ici que la personne qui se permet de critiquer et d'attaquer les sahaba, eh bien indirectement il est en train d'attaquer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est clair en réalité, puisque la personne qui par exemple a envie d'attaquer l'islam ou de dénigrer le prophète de l'islam et qu'il sait qu'il ne peut pas le faire, parce que s'il dénigre ou s'il attaque le prophète de l'islam directement, alayhi salatu wassalam, eh bien, c'est évident que les gens ne vont jamais tolérer ça de sa part, hein, et qu'ils ne vont jamais accepter ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il pense à une ruse et il se dit, je ne vais pas attaquer le messager de l'islam, celui qui nous a transmis l'islam et la charia, plutôt on va attaquer ses compagnons. Et ça c'est une ruse, hein, indirecte, pour attaquer le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le cheikh il explique que si quelqu'un, hein, ses compagnons sont des pervers et des pécheurs, eh bien ça c'est une attaque et une atteinte à son statut. Parce que selon la coutume, chez les hommes, c'est que l'homme qui est noble, si les gens qui sont autour de lui, parmi ses compagnons, on les a attaqués dans leur comportement, dans leur honneur, ou dans leur façon d'être, on a dit d'eux des choses, hein, ou qu'on les critique et on les accuse d'être des pervers ou des pécheurs ou des choses de ce genre, eh bien il n'y a pas de doute que cela va entacher également cette personne noble, hein, qui était le compagnon de ces personnes-là. Hein. Puisque, en général, on dit qu'il se ressemble, ça semble. Hein? Qui se ressemble, ça semble. Donc, si quelqu'un se permet d'attaquer les sahaba, c'est comme si, indirectement, il attaquait le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il dit, là, l'obligation pour la personne qui est noble, c'est de se tenir et d'être en compagnie des gens nobles comme lui. Hein? Mais si la personne, elle prend comme compagnon des gens qui ont de la perversité, des pécheurs et des gens comme ça, alors, il n'y a pas de doute que ça, ce sera un genre de critique et un blâme pour cette personne-là elle-même. Hein? Parce que les gens sont avec ceux qui leur ressemblent. Voilà comment ces gens-là utilisent ce genre de ruse pour attaquer le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa rabi'an annahu ta'nun fi janibi hikmatillahi azza wa jalla. أن يهيئ لهذا الرسول الكريم الذي هو أفضل الخلق عند الله عز وجل أناسا فجرة كفارا فساقا كما يقوله الرافضة في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا من ومن كان من آل البيت إذا كان كذلك وجب علينا أن نكف عن مساوئهم وأن لا نظهرها للناس حتى ولو فرضنا أن إنسانا يقرأ في كتاب البداية والنهاية وأتى على وقعة الجمل أو الصفين أو غيرها مما يخدش كرامة الصحابة عند العامة الذين لا يفهمون فالواجب أن لا نقرأ أما إن كنا نريد أن نقرأها على طلبة العلم لنمحص ما فيها لأنه دخلها الزغل والكذب فإنه لا بأس بل قد يجب. Le Cheikh il dit quatrièmement, c'est une attaque et une atteinte à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala si quelqu'un se permet de critiquer les sahaba. Parce que c'est comme si quelqu'un disait que ce noble messager, ce prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures pour Allah, comment se fait-il qu'il ne lui a pas désigné comme compagnon autre que des hommes pervers, pécheurs ou kuffars, selon la parole des rafidah, parce que c'est ça leur position. La position des Rafidah, Shia, Rafidah, c'est que les Sahaba sont des kuffars, sont des foussaks, sont des pécheurs, sont des mécréants. Pourquoi? Parce que, ils ont contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam selon eux. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas choisi pour son messager le meilleur des hommes, la meilleure des créatures, des gens exceptés. Des gens de cette catégorie-là, selon eux. Excepté un tout petit nombre de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou des gens qui étaient proches de sa famille, soi-disant, qui auraient été, eux, épargnés de ces attaques ou de ces insultes-là. Donc, le cheikh dit, si on tient compte de ça et de ces quatre raisons-là, de ces quatre explications-là, eh bien, on comprend pourquoi il est obligatoire pour nous de nous abstenir de mentionner les torts qui ont pu se produire de la part de certains d'entre les sahabes. Et il dit, nous ne devons pas les exposer et les présenter au commun des gens. Même si on suppose que quelqu'un, par exemple, serait en train de lire aux gens un livre comme le livre de l'imam al-Nawawi, Al-Bidaya wa Nihaya, Ibn Kathir, qui a écrit Al-Bidaya wa Nihaya, qui est un livre d'histoire. C'est un livre de récits historiques. Alors, si quelqu'un serait en train de lire ce livre-là, Al-Bidaya wa Nihaya, et qu'il arrive à la partie du livre où on parle de la bataille de Al-Jamal ou As-Siffin, hein, ou d'autres également parmi les choses qui se sont produites entre les Sahaba, qui portent atteinte à l'honneur de certains d'entre les Sahaba, et bien dans ce cas-là, si on sait que on est en train de s'adresser à des gens parmi le commun des hommes qui ne connaissent pas, hein, la religion comme il faut et qui ne comprennent pas correctement la religion, il dit, il est obligatoire dans ce cas-là pour nous de ne pas lire ces parties-là ouvertement ou devant ces gens-là. Tandis que si nous sommes en train de lire ces passages-là à des étudiants en sciences, hein, et des tullab al-ilm, dans le but de nettoyer et de distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est mensonger et ce qui est véridique de ces récits et de ces narrations-là, alors il n'y a pas de mal de le faire en présence des étudiants tullab al-ilm, et même que parfois ça peut être obligatoire de le faire. D'accord? Mais c'est juste pour expliquer en fait que yani, c'est pas toute parole que tu sais que tu dois mentionner. Et c'est pas dans n'importe quel contexte également que parfois on doit adresser certains sujets. Il faut faire preuve de discernement et bien analyser la situation pour éviter justement que des doutes entre dans l'esprit de certains musulmans qui n'ont pas justement un niveau de connaissance et de compréhension pour être capable justement de comprendre les détails de ces questions-là. Ensuite, le cheikh il dit: وَكَذَلِكَ يَجِبُ أَن نُطَهِّرَ قُلُوبَنَا مِنَ الْغِلِّ وَالْحِقْدِ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ حَتَّى لَوْ كُنَّا نَرَى أَنَّهُ أَخْطَأَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَنَا أَن نَحْمِلَ حِقْدًا أَوْ غِلًّا عَلَيْهِ بل نقول عفى الله عنه إذا كان الذين انصرفوا في أحد قال الله تبارك وتعالى فيهم لقد عفى عنكم ولقد عفى عنكم مع أنه عز وجل قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فبين عز وجل أن منهم كان يقاتل للدنيا ومع هذا قال ولقد عفى عنكم فكيف لا نعفو نحن عما حصل منهم بمعنى أنه لا نحمل حقدا ولا غلا على أحد منهم وإن كنا نرى أنه أخطأ أو وإن كنا نرى أنه أخطأ وأن قبيله هو المصيب. Donc le cheikh il explique encore un autre point important. Il dit, et nous devons purifier nos cœurs de toute rancœur, de toute haine contre chacun d'entre eux, même si nous voyons que quelqu'un d'entre eux aurait pu se tromper, hein, a pu commettre une erreur. Et il n'est pas permis de porter de la rancœur ou de la haine contre un d'entre eux ou aucun d'entre eux. Il dit, nous devons plutôt dire que Allah le pardonne. Nous devons plutôt dire que Allah le pardonne. Il dit, si par exemple on regarde ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset 125, dans surat Al-Imran, qui se sont enfuis le jour de Uhud, hein, qui se sont détournés ou qui ont fui le combat le jour de Uhud, dans surat Al-Imran, le verset 125. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset: Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5000 min al-mala'ikati musawwimin. Non, ça c'est pas le verset 125, c'est 152. J'ai inversé les chiffres. Donc au lieu de lire 52, j'ai lu 25. Dans le verset 152, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم لنبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Donc ici dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et certes Allah a tenu sa promesse envers vous quand par sa permission vous les tuiez sans relâche jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné et vous avez désobéi après qu'il vous eût montré la victoire que vous aimez. Il en était parmi vous qui désiraient la vie d'ici-bas et il en était parmi vous qui désiraient l'au-delà. Puis il vous a fait reculer devant eux afin de vous éprouver et certes il vous a pardonné. Donc ici le cheikh il explique et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'il a dit à propos de certains d'entre eux, hein, parmi vous il y en a qui voulaient la dunya et d'autres qui veulent l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué que parmi eux certains combattaient pour la dunya et malgré cela il dit à la fin: et il vous a certes pardonné. Il dit donc, comment, si Allah lui leur a pardonné, comment nous ne pouvons pas leur pardonner ce qui s'est produit, hein? Dans le sens que on ne doit pas porter en notre cœur aucune animosité ou rancœur contre un d'entre eux, même si on considère qu'il a commis une faute et que celui qui était opposé à lui était sur la vérité ou avait raison. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin, il continue l'explication, il dit: لقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Et ça c'est un verset dans sourate Al-Hadid, et dans cette sourate Allah subhanahu wa ta'ala il explique, verset 10 dans sourate Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ça c'est le verset qu'il a mentionné comme preuve pour expliquer que il ne faut pas avoir d'animosité ou de haine contre aucun d'entre eux. Il dit: on ne peut pas comparer cependant celui qui d'entre vous a donné de ses biens et a combattu avant la conquête, c'est-à-dire avant la conquête de la Mecque, et c'est-à-dire ceux qui ont combattu avant la conquête, il dit ces derniers sont plus hauts en degré et en hiérarchie, sont plus hauts et plus élevés en degré que ceux qui ont dépensé et qui ont combattu après la conquête. Et ça, c'est tout à fait normal, parce que ceux qui ont combattu avant la conquête, ils étaient éprouvés de toutes sortes de façons, et ils ont dû faire preuve de beaucoup plus d'efforts, de patience et de sincérité. Tandis que ceux qui sont devenus musulmans après la conquête de la Mecque, eh bien, ils ont fait moins d'efforts, moins de sacrifices, ils ont subi moins d'oppression et de difficultés. Et donc, il dit, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, ces derniers sont plus hauts en degré que ceux qui ont dépensé et combattu après. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense. Et Allah est le grand connaisseur de ce que vous faites. Ça veut dire que même ceux qui ont dépensés et combattus après la conquête de la Mecque, eux aussi ils auront la plus belle des récompenses, c'est-à-dire ils vont rentrer eux aussi au paradis, hein? Donc c'est pour ça que on n'a pas le droit d'avoir de la rancune et de la haine contre aucun d'entre eux, puisque à la fin ils sont tous quand même au paradis, hein? Et il y en a parmi les gens qui comprennent pas ça, ils se disent en eux-mêmes: mais comment ça se fait, des gens qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 20 ans, hein, et qui ont, disons, fait du tort aux musulmans et aux prophètes sallallahu alayhi wa sallam pendant toute cette période, et puis après la conquête ils se convertissent à l'islam, comment ça, hein? Ils acceptent pas, parce qu'ils comprennent pas que l'islam, une fois que quelqu'un l'a accepté, ça efface tout ce qu'il y a auparavant comme péché et comme faute, hein? Donc ils deviennent nos frères, et on n'a pas le droit d'avoir de la rancune et de l'animosité pour aucun d'entre eux, même si avant l'islam, il avait fait beaucoup de tort, hein. Et le cheikh, il explique aussi, il dit Al-Muradu bil-Fath, huna as-sulh al-Hudaybiyah, la Fath Makkah. والدليل على أنه صلح الحديبية ما جرى بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد لا تسب أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين الأولين بخلاف خالد بن الوليد فإنه أسلم بعد ذلك. Donc ici le cheikh lui Ibn Uthaymin il explique contrairement à ce qui est mentionné dans la traduction en français du verset qu'on a lu dans sourate Al-Hadid, il disait que le verset, la conquête qui est mentionnée dans le verset, que ça fait référence à la conquête de la Mecque. Tandis que le Cheikh Ibn Uthaymin, lui, il explique que la conquête qui est mentionnée, ce n'est pas la conquête de la Mecque, plutôt c'est l'entente de paix de Al-Hudaybiyah. Et ça, c'est la même chose qui est mentionnée aussi à propos de Surat Al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina, hein, la grande conquête, nous allons certes te donner une conquête, hein, éclatante, une victoire éclatante. Et ici, encore une fois, les ulama disent que ce n'est pas la conquête de la Mecque, c'est l'entente de paix de Al-Hudaybiyah. Et donc, c'est à ça que ça se réfère. Et la preuve que c'est Al-Hudaybiyah, ce qui s'était produit entre Abdurrahman ibn Auf et Khalid ibn al-Walid. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Khalid, n'insultez pas mes compagnons, parce que je jure par celui qui tient mon âme en sa main, que si l'un d'entre vous donnait la quantité d'or comparable à la montagne de Uhud, eh bien, ça n'aurait même pas atteint ce que un d'entre eux a donné comme une poignée de main ou la moitié d'une poignée de main de ce qu'un sahabi a donné. Alors, Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, il fait partie des muhajirin al-awwalin, parmi les premiers qui se sont convertis à l'islam, tandis que Khalid ibn al-Walid il se convertit plus tard, hein, puisqu'à la bataille de Uhud il n'était toujours pas musulman, donc c'est après qu'il s'est converti à l'islam, hein. Et il dit wa qawluhu min ba'du ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du وقاتلوا وبعد بالضم مع أنها سبقت بحرف الجر وذلك لأنها هنا مبنية وليست معربة. Le cheikh il dit ici, on dit min ba'du, alors que min, on sait que ça fait partie de حروف الجر, mais malgré tout il prend une dhamma ba'du. Pourquoi? Parce que ici il est mabni, min, il est mabni. Et on a peut-être pas encore expliqué la différence entre qu'est-ce qui est mu'rab et qu'est-ce qui est mabni. Donc, vous avez peut-être pas encore conscience de ça. Mais pour vous faire comprendre rapidement la différence entre les deux, c'est que il y a des mots en arabe qui sont mabni, il y a des mots en arabe qui sont mu'rab. Les mots qui sont mabni, ils ne changeront jamais, peu importe leur contexte dans la phrase et peu importe leur rôle. Le min, il fait partie de ce qui est mabni. Mais ici, parce que le min, c'est un harf jar. Mais ici, là, on parle de ba'd. Ba'd, c'est un zarf. Ba'd, c'est un zarf makan, et ça peut aussi, non, ça peut être un zarf zaman, parce que c'est après, donc c'est dans le temps, yani zarf zaman. Et zarf zaman, il est, yani, en général, il est mansoub. Mais quand il est mentionné après un min qui est un harf jar, il devrait être majrour. Ici, min ba'di, qu'on ne dit pas min ba'di. Il dit ici parce que ici il est mabni, il n'est pas mu'rab. qu'est-ce qui est mu'arab, c'est qu'est-ce qui va être affecté par qu'est-ce qui est devin et qui va venir changer son signe. Tandis qu'ici, il est mabni, ça veut dire qu'il ne va pas changer. Par exemple, parmi les choses qui sont mabni, asma al-ishara. Asma al-ishara. Qu'est-ce que ça veut dire, asma al-ishara? Les adjectifs démonstratifs. Hada, hadihi, hum, haula, pardon, haula, ulaika. Ça, c'est mabni, ça ne change pas. Al-asma al-mawsoula. Il y en a beaucoup d'autres. On va, il y a une série comme ça de noms qui sont mabni. Ils ne changent pas selon l'i'rab. Peu importe qu'est-ce que tu mets devant, ça va toujours rester la même chose. D'accord? Et ici, dans ce cas-là, ba'd, il fait partie de ces exemples-là. Donc, les ulama, ils font la différence entre qu'est-ce qui est mu'arab et qu'est-ce qui est mabni. Après, le shaykh dit, donc il explique, أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. لما ذكر الله تعالى فضل من أنفق من قبل الفتح وقاتل فإنه قد يذهب القلب إلى التنقص من حق المفضل عليهم فقال وكل وعد الله الحسنى. وإن اختلفوا في الفضل وهذه طريقة القرآن أنه تعالى إذا ذكر مفضلا و نعم مفضلا عليه ذكر المنقبة العامة للجميع. قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وقد يبدر إلى الذهن أن التنقص من حق داود عليه السلام وقد يبدر إلى الذهن التنقص من حق داود عليه السلام فقال الله عز وجل دفعا لهذا وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وذكر منقبة خاصة له في مقابل قوله ففهمناها سليمان في قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى. هل الحسنى وصف لموصوف معين أو المراد بالوعدة الحسنى؟ الجواب إذا قلنا الحسنى هي الجنة وأنها وصف مختص بها قلنا المعنى وكل وعد الله الجنة كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وإذ قلنا إنها وصف للشيء الأحسن فإننا لا نرى أن أشياء أحسن من الجنة. Donc le cheikh il explique ici, et à tous nous avons promis, Allah a fait la promesse de Al-Husna. Al-Husna, c'est-à-dire le paradis. Et le cheikh il explique et il dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le mérite de ceux qui ont dépensé de leurs biens et qui ont lutté et combattu avant la conquête par rapport à ceux qui ont lutté et combattu après, certains pourraient avoir l'idée que ça c'est un genre de rabaissement. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Certains pourraient avoir l'idée que c'est un rabaissement de la valeur de ceux qui ont été mentionnés comme étant après la conquête, ceux qui ont combattu après. C'est comme si on dirait, si on s'arrêtait à cet endroit-là dans le verset, par exemple, « La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal » Hein? Donc ça voudrait dire أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا. Donc si on s'arrêtait à cet endroit-là, quelqu'un pourrait dire, bon, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ici que ceux qui ont combattu et qui ont donné avant, ils sont plus élevés en degré, ils sont meilleurs. Donc ça veut dire les autres ne sont pas bons. Sauf que le cheikh, il explique ici, il dit que ça ne veut pas dire ça, puisque pour éliminer justement cette idée ou ce doute-là qu'on pourrait avoir, il dit juste après « Wa kullan wa'ada Allahu al-husna » et à tous, il a fait la promesse de « al-husna » c'est-à-dire le paradis, la plus belle des récompenses. Et il dit donc, même si ils sont divergents ou différents dans leur mérite, mais ils ont tous droit à la bonne récompense. Et il dit, le cheikh, ça c'est la voie, c'est la méthode du Coran. Chaque fois que quelqu'un parmi les gens de bien est mentionné et qu'on mentionne que certains sont meilleurs que d'autres, eh bien il y a toujours une mention d'un bienfait général ou d'une belle qualité spécifique pour compenser ce qui a été dit à propos des autres. Comme par exemple, le cheikh il mentionne les versets 78 et 79 dans Surat Al-Anbiya et il dit à propos de Daoud et son fils Suleyman, il dit « Et David et Salomon, quand ils eurent jugé au sujet d'un champ cultivé ou des moutons appartenant à une peuplade, ou appartenant à une peuplade était allé paître la nuit et nous étions témoins de leur jugement. Nous la fîmes comprendre à Salomon. C'est-à-dire, nous fîmes comprendre à Salomon la réponse à cette question et on lui a donné la compréhension de comment juger cette situation-là correctement. Donc, فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ. Parce que les deux, ils avaient reçu ce cas ou cette situation. Ils devaient juger entre deux personnes par rapport à cette situation-là. Donc, ça veut dire que Daoud, alayhi salam, il a jugé. Et Suleyman a jugé. Mais celui des deux qui a eu raison, c'était Suleyman, alayhi salam. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ. Nous l'avons fait comprendre à Suleyman. Mais pour pas que quelqu'un s'imagine ou pense, ou pour pas que vienne à l'esprit de quelqu'un que ici on est en train de rabaisser Daoud alayhi salam, juste après Allah subhanahu wa ta'ala vient mentionner les éloges et les qualités de Daoud alayhi salam. Il dit et à chacun nous donnâmes la faculté de juger et le savoir. Parce qu'auparavant il a dit fa fahamna Suleyman. Quelqu'un pourrait dire, ah ça y est, c'est Suleyman qui avait plus de connaissances et de jugement par rapport à Daoud alayhi salam. Mais juste après, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et à chacun nous donnâmes la faculté de juger et le savoir. Et après il dit, et nous asservîmes les montagnes à exulter de notre gloire en compagnie de Daoud alayhi salam, ainsi que les oiseaux, subhanallah. Il se levait pour aller glorifier Allah, et il mentionnait les gloires d'Allah, et les montagnes et les oiseaux glorifiaient avec lui. Et c'est nous qui sommes le faiseur. Donc, ça c'est l'exemple que le cheikh il mentionne pour dire que le fait qu'ils disent que ceux qui ont combattu et qui ont donné avant la conquête sont meilleurs ne veut pas dire que ceux qui sont venus après n'ont pas de valeur. Eux aussi, ils auront une part de la promesse et de la récompense d'Allah. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kullan wa'adallahu al-husna. Et il dit, est-ce que al-husna c'est une description pour quelque chose de spécifique, ou bien qu'est-ce qu'on veut dire la belle récompense ou la belle promesse? Et le cheikh il répond, il dit, si on dit que c'est une récompense particulière ou quelque chose de spécifique, alors dans ce cas-là c'est clair que c'est le paradis, puisque hein, le paradis c'est la plus belle des choses. Et si on dit que non, c'est la belle promesse, eh bien il n'y a pas une plus belle promesse que la récompense du paradis. Dans les deux cas ça revient au même, hein? Parce que dans l'autre verset Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Yunus le verset 26, lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada, ceux qui ont fait preuve d'ihsan, Allah va leur donner al-husna et plus encore. Et al-husna c'est le paradis. Wa ziyada, les ulama ont dit al-ziyada c'est quoi? Le surplus, c'est qu'ils vont voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça al-ziyada. Na'am. Ensuite le cheikh il dit, et c'est le dernier point qui est mentionné dans la section au sujet de la foi en les prophètes. Donc dans la foi en les prophètes, il a ajouté ou il a intégré la question des sahaba dedans. Pourquoi? Parce que c'est lié directement avec la foi en les messagers, puisque les sahaba, ce sont eux qui nous ont transmis l'islam, ce sont les compagnons du messager. Donc il l'a intégré dans cette section là et il dit ensuite wa qawli llahi ta'ala fina walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Le cheikh il explique le verset 10 dans sourate al-hashr. Il dit que ça c'est une parole que Allah dit à notre sujet, c'est-à-dire pour nous, ceux qui sommes venus après les muhajirin et les ansar. Eh bien, ceux qui viennent après eux, ils disent « Ô notre Seigneur, pardonne à nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne mets pas dans nos cœurs de la rancœur ou de la rancune contre ceux qui ont cru. Notre Seigneur, tu es certes compatissant et miséricordieux. » Le verset 10 dans Sourate al-Hashr. Donc ce doua, eh bien ça implique que nous devons avoir de la compassion, de la miséricorde et demander pardon pour ceux qui nous ont précédés dans la foi parmi les sahaba. Et que si quelqu'un d'entre nous a de la rancœur contre eux, eh bien il ne fait pas partie de ces des croyants, en fait. Il ne fait pas partie des croyants. Et la preuve c'est ça, même l'imam Malik, hein, comme on va le voir, il a mentionné ça comme argument contre les rafidah. Il dit wa qawlu Allah ta'ala fina, là il mentionne le verset, il dit fa su'alu al-maghfirati lahum fi qawlihi ta'ala ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa su'aluhum nafy al-ghill 'anhum fi qawlihi ta'ala wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu wa lam yaqul lilladhina sabaquna bil iman لأنهم سألوا أن لا يكون في قلوبهم غل لا للسابقين ولا للاحقين. وهذه الآية معطوفة على آيتين سابقتين حيث ذكر الله تعالى الفيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد قال الإمام مالك رحمه الله إن الرافضة لا حق لهم في الفيء لأنهم لا يمكن أن تنطق ألسنتهم بهذا القول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان بل إنهم يشتمونهم ويلعنونهم وقلوبهم ممتلئة حقدا حقدا وغلا على الذين سبقوهم بالإيمان ولهذا قال الإمام مالك إنهم لا حظ لهم في الفي. Donc le cheikh ici il explique que la demande du pardon pour eux, hein, quand Allah il dit pardonne à nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, hein, c'est yani, leur demande de retirer de leur cœur toute rancune envers eux. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Ne met pas dans nos cœurs aucune rancune contre ceux qui ont cru. Il n'a pas dit ne met pas dans nos cœurs aucune rancune pour ceux qui nous ont précédés dans la foi. Il a dit ne met pas dans notre cœur aucune rancune pour les croyants ou pour ceux qui ont cru, pour que ce soit général, pour que ce soit yani, pour que ça soit ni pour ceux qui nous ont précédés ni pour ceux qui vont venir après nous, pour que ce soit général, dans le sens qu'on ne devrait jamais avoir de rancœur contre les croyants de façon générale. Et il dit, et ce verset là il vient à la suite de deux autres versets précédents qui expliquent en fait qui sont parmi les gens qui ont un droit au butin qu'on appelle al-fay. Parce que si on retourne à Surat Al-Hashr, dans lequel ce verset est révélé, on regarde par exemple, ça c'est le verset 10 que le cheikh a mentionné ici, mais si on regarde par exemple les versets 8 et 9 qui sont mentionnés juste avant, eh bien c'est là que tu vas comprendre en fait la suite de ce verset. Parce que dans le verset, en fait, même il faut même peut-être lire le verset 7. Le verset 7 et 8, c'est ça. Parce qu'on voit qu'au début, même le verset 6 aussi, le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du butin. Il dit, وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ. وَمَا أَفَاءَ, ça a rapport avec quoi? Ça a rapport avec Al-Fay. Afa, c'est-à-dire Al-Fay. Qu'est-ce que Allah a donné au messager comme butin? Et le verset 7 aussi le mentionne, il dit Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura. Et là, il dit Falillahi wa lil-rasul, wa lizil-qurba, wa lyatama, wa lmasakin, wa ibn al-sabil. Donc, il dit le butin provenant des habitants des cités qu'Allah a accordé sans combat à son messager, et il mentionne à qui il appartient. Il dit il appartient à Allah, au messager, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs en détresse. Ok. Et après il dit dans le verset 8, hein, l'il-fuqara al-muhajirin, c'est-à-dire ce butin il appartient également aux pauvres parmi les muhajirin. Et au début du verset 9, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ, c'est-à-dire il appartient également à ceux avant eux qui se sont installés dans le pays, en parlant des Ansar. D'accord. Donc on voit que Allah dans ces versets-là il nous explique à qui appartient Al-Fay et à qui revient le Fay, c'est-à-dire le butin. Puis ensuite dans le verset 10 il dit, et ceux qui viennent après eux, ils disent, et là ils mentionnent le dua, c'est-à-dire à ceux qui sont venus après eux en disant, Seigneur pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne met pas dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui y ont cru. Hein? Donc, le cheikh, c'est ça qu'il est en train d'expliquer ici. Il explique que l'imam Malik, il dit, les rafidas n'ont aucun droit au fay, au butin. Pourquoi? Parce qu'ils ne rentrent pas dans ce verset-là, puisque aucun d'entre eux n'est capable de dire pardonne à nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Pourquoi? parce qu'ils ne font que les insulter, les maudire, et leur cœur est rempli de haine et de rancœur contre ceux qui les ont précédés dans la foi. Hein? Donc l'imam Malik a dit par conséquent, aucun d'entre eux n'a le droit au butin. Hein? Et en même temps, comme s'il y en a d'autres paroles aussi de l'imam Malik qui mentionnent que ces gens-là, ils ne sont pas croyants. Parce que, ils ont la rancœur contre ceux qui ont cru. Et c'est quoi cette preuve? L'autre parole de l'imam Malik, que l'imam Malik a mentionné pour dire que les Rafida ne sont pas des croyants. Il se base sur quel verset dans le Coran? Peut-être que l'un d'entre vous le sait. Non? Ok. Je vais vous le dire, c'est le dernier verset dans Surat Al-Fatih. Dernier verset dans Surat Al-Fatih. Et je vais vous lire tout de suite. Et je vais vous expliquer pourquoi l'imam Malik s'est basé sur ce verset-là pour dire que les Rafida sont des kuffars. Oui, le verset 29 dans Surat Al-Fatih, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Muhammadur Rasulullah, alladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u baynahum. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Selon vous, dans ce verset, où est la preuve que l'imam Malik a mentionnée pour dire que les Rafida sont des kuffars? C'est quelle partie de ce verset, selon vous, qui est la preuve que ce sont des kuffars, c'est-à-dire que les Rafida sont des kuffars? Je vais lire la traduction. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, « Muhammad est le messager d'Allah ». Et ceux qui sont avec lui sont durs avec les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant dans la grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah, et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis sera fermée, s'épaissit, et ensuite se dresse sur sa tige à l'émerveillement des semeurs. Allah, par eux, c'est-à-dire les sahaba, remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Non, c'est ça. Liyaghidha bihimul kuffar. Donc c'est cette partie-là que l'imam Malik a mentionné comme preuve que les Rafida sont des kuffars parce que ils ont la rage contre les sahaba. Hein? Donc ça veut dire que celui qui a la rage contre les sahaba, il fait partie des kuffars, puisque Allah les a établis pour mettre la rage, hein, contre les kuffars. Donc ça c'est un exemple comment les ulama ils extraient des versets de la parole d'Allah, hein, des preuves pour supporter leur position. Et on voit leur intelligence et leur force de déduction dans ces exemples-là. Donc on a terminé la section pour Al-Iman bil-Rusul. Et on va commencer, Inch'Allah, la semaine prochaine, Al-Iman bil-Yawm al-Akhir bi-Ithnillah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Puis on continuera la semaine prochaine, bi-Ithnillah, la suite. OK. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.